Bien, ben merci. C'est un plaisir, comme d'habitude. Et puis, c'est une occasion d'avancer, parce qu'effectivement, ça m'a obligé à reprendre des choses. Et ça commence à faire série, puisque j'avais exposé un premier travail en 2009 ou 10, je ne sais plus, fin 2009, peut-être, ou fin 2010, dans le séminaire de l'époque, où c'était encore dans la fin de la crise de 2009, on va dire. Après, j'ai regardé les choses un peu différemment, comme tout le monde, on s'est réadapté à un autre monde. Et depuis quelques temps, on voit bien qu'on est dans une situation de prêt, en tout cas de mobilisation à nouveau, d'intensification des tensions et des controverses sur les listes à l'EHESS, par exemple. Donc c'est un signe, et ailleurs, et que finalement on pourrait voir à nouveau une vague critique, mais comme on a, lors de la précédente, eu le sentiment quand même qu'elle n'avait pas servi à grand chose, plutôt même qu'elle avait donné les pleins pouvoirs à des réformateurs, puisque c'est le thème du jour, puisque finalement l'échec des mobilisations évidemment tend à légitimer ceux qui avancent leur projet, c'est comme dans d'autres dossiers que je suis, les OGM, le nucléaire, les gaz de schiste. Quand ça échoue, effectivement, ça fait mal. Quand ça réussit, ça fait mal aussi. Donc là, la question que je vais poser, c'est au fond, on est un peu au creux de la vague, là, avec des indicateurs intéressants. Et je vais essayer de montrer comment on peut faire fructifier le travail d'accumulation que j'opère avec des logiciels d'analyse textuelle. Donc la caractéristique, je ne vais pas insister beaucoup sur la cuisine. Ça peut revenir par la discussion ou on peut en parler ailleurs, hein. C'est de suivre les choses dans la longue durée. C'est-à-dire que le principe, c'est pas de faire des coupes à un moment donné, mais plutôt essayer d'accompagner les processus, parce qu'on a comme ça une espèce d'intuition sociologique, qu'il y a du rebondissement, qu'il y a des ruptures qui se produisent parfois beaucoup plus tard, et que c'est dommage d'avoir des enquêtes sociologiques qui sont prisonnières en fait d'un espace-temps, alors que les choses se déplacent dans la durée. Donc j'ai prévu ça en quatre points, mais vous m'arrêtez ou je sauterai peut-être certains aspects. Après une petite intro rapide, je reviendrai un peu sur la trajectoire de ces mobilisations et de ce que ça a fait apparaître publiquement et de l'impact que ça a eu, parce qu'évidemment ça a joué sur ce qu'on verra après, c'est-à-dire sur la manière dont sont organisés des réseaux, des nébuleuses de réformateurs, des pouvoirs institutionnels, etc. Il y a eu des réactions, il y a eu une incorporation d'une partie des critiques, il y a eu des modifications institutionnelles à travers différentes lois, à travers différentes instances. Dans un deuxième temps, je ferai donc un zoom, c'est Christian qui tenait à ce que je le fasse, donc sur cette notion d'excellence et comment elle est rentrée un peu dans les débats, comment elle en est sortie, puisqu'elle en est sortie, visiblement, c'est-à-dire qu'il y a un discours public un peu officiel qui dit « bon, l'excellence est bien, mais maintenant on passe à autre chose ». Donc je montrerai rapidement, mais c'est assez visible, c'est assez intéressant. Et dans un troisième temps, j'ai proposé pas un Google Fight, mais un Prospero Fight, c'est un nouveau concept, entre Miss Fioraso et Miss Pécresse. Je trouve que j'ai deux corpus à peu près de taille équivalente pour l'instant. Ils peuvent évoluer là aussi, rien n'est figé. Donc j'ai des discours attrapés par un de nos robots qui s'appelle Kiresias sur le site du ministère. Donc à l'époque c'était Pécresse, et là c'est Madame Fioraso. Alors elle a un peu changé de statut, donc il y a eu un petit bug, il a fallu réparer le robot, mais enfin il a réussi à rattraper la secrétaire d'État. Il y a eu des changements un peu d'architecture sur le site. Et c'est intéressant de voir un peu, finalement, est-ce que c'est la même chose, est-ce que... Donc, en tout cas, c'est des propositions, il n'y a rien de conclusif et de définitif, c'est simplement qu'on peut le faire, c'est vraiment intéressant. Et on peut le faire, et je pense que ce genre d'opération, évidemment, rendu visible ou mis en circulation, peut aussi produire des effets. Après, il faut calculer la balistique. Et un point 4, que je pourrais plus développer, c'est que je propose un système de pouvoir pour les tenants de la Commu-E, parce que j'ai fait évoluer mon ingénierie des systèmes de pompe que j'avais déjà présenté dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment maintenant le moyen d'organiser, de structurer leur pouvoir. Et je voudrais finir là-dessus parce que ça se voit, ça commence à se voir sur certains sites et dans certains contextes. Voilà, donc rapidement, en intro, je voulais dire que c'est un sujet que je n'ai pas quitté, la question des réformes de la recherche, parce que j'ai eu la chance d'avoir en doctorat Jean Frances, que vous avez entendu d'ailleurs en début d'année, je crois, qui a donc fait une thèse intitulée « Former les producteurs de savoir, les réformes du doctorat à l'ère de l'économie et de la connaissance » avec un jury assez intéressant. Alors, il y a toujours un méchant dans les jurys. On va voter. À votre avis, qui s'est révélé être le Cruella, en fait, en l'occurrence. Enfin, en tout cas, Christine Bousselin a été vraiment impitoyable. Donc, je la remercie, puisque c'est contre... Mais c'est vrai que ça a été une discussion assez intéressante, puisque ce jeune docteur donc, propose d'attaquer précisément la notion d'excellence, d'excellence doctorale, et de regarder comment elle a évolué au fil du temps, et a été jusqu'à observer, en observation participante très fine, hein, des doctoriales, des entrepreneuriales, donc ces dispositifs qui font passer l'excellence d'une conception très académique, très scolaire, hein, à une conception très managériale, très tourné vers l'entrepreneur et le gars qui prend des risques, qui sait y aller et qui sait passer de la recherche à l'entreprise, comme vous savez, qui est un thème qui est plus que récurrent, qui est même moteur, puisqu'il est inscrit dans la loi même et dans les dispositifs qui vont avec. Et donc, je vous invite à regarder ses travaux. Il a quelques publications. Ce qui est intéressant, c'est que donc il y a toute une partie où il va travailler à la question de comment parler de cet objet, l'excellence, en faisant une thèse. Lui-même étant pris effectivement dans la boucle de faire une excellente thèse sur l'excellence doctorale. Enfin bon, ça a été un effet. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les exercices de réflexivité et surtout en plus de le faire sur le terrain au contact d'autres docteurs dans des disciplines plutôt de sciences dures ou de gestion. Et c'est intéressant parce qu'au fond, il montre comment il y a une adhésion assez forte du fait que les dispositifs en question sont présentés comme des jeux, des games, des business games. Et donc il y a toute une génération qui rentre dans ces dispositifs par la dimension quand même ludique du jeu de rôle, de la mise en situation, et on ne se prend pas la tête, comme on dit, avec des idéologies. Donc là, il y a aussi un changement de cadre qui est assez intéressant à observer, dans un premier temps en essayant de le faire de manière ethnographique et distante. Alors, en même temps, Jean-François a évidemment essayé de remettre tout ça en histoire longue, puisqu'il part du 19e siècle, évidemment, et il essaye de suivre l'évolution des enjeux et des disputes, et il y en a eu beaucoup, hein, sur l'utilité de la science, l'utilité de l'université, après ça sert de faire des thèses, etc., etc., l'organisation des différents modes de l'employabilité, on dirait aujourd'hui, hein, des docteurs, pour qui on les fait, où ils vont, les relations internationales, la circulation des élites, etc., etc. Et donc il remet tout ça dans un contexte. Là, ce que je vais faire, moi je vais le faire... le remettre dans un contexte plus de critique sociale, puisque la notion d'excellence, elle a une première caractéristique, c'est qu'elle se met à proliférer à partir des années 2000, on va le voir, 2005-2006, mais surtout, elle porte avec elle une forte dimension critique, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs ont, dans un premier temps, une espèce de distance qui se voit avec les outils qu'on a, puisqu'il y a des guillemets, la dite excellence, etc., etc. Donc il y a une espèce de mise à distance et qui progressivement disparaît parce que l'excellence en question passe de l'état d'objet rhétorique, de figure rhétorique, de concept un peu mobilisateur, qui joue évidemment sur une pluralité de ressorts sur lesquels je reviendrai à la fin, puisqu'on est tous, on se sent tous excellents, quoi. Donc c'est très difficile de résister à l'emprise d'un discours de l'excellence. Alors on verra qu'il y a émergence d'une tentative de contre-discours avec la désexcellence, mais qui n'a pas un succès fou, parce qu'on voit bien que c'est réactif, c'est très difficile à porter. Mais par contre, ça va s'inscrire dans le dispositif. Donc on va avoir proliféré des choses qui, au début, font peut-être rire, hein, les LABEX, les IDEX, les REX, les pôles d'excellence, les campus d'excellence, les doctorats d'excellence, les bourses d'excellence, les labos, enfin, tout ça, quoi. Les initiatives, et finalement deviennent des sigles, se referment, ne sont plus dépliées, et deviennent des entités naturelles d'un monde au point où on a des acteurs quotidiennement, hein, qui en parlent comme des entités absolument aussi réelles que, plus réelles même que la Poste, franchement. Enfin bon, voilà. Que RFF, SNCF par exemple, qui sont des entités comme en fictive, on l'a encore vu sur lequel on ne s'est pas foutu de mesurer correctement. Bon. Et donc on a quand même un repeuplement des mondes de la recherche avec toutes ces entités. Donc l'excellence est là, elle n'a pas disparu. Et c'est bien ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il faut, quand on fait l'analyse de long cours sur les discours, il faut être très prudent. Évidemment, ce n'est pas en cherchant un mot qu'on s'en sort, mais en regardant les configurations et la manière dont ils sont requalifiés, embarqués dans d'autres figures, etc. Donc dans un premier temps, je vais juste revenir... pour ceux qui l'ont déjà suivi, désolé, je vais faire quelques redites, mais c'est important. Donc, aussi de parler de ces corpus qui sont derrière. Parce que c'est des objets importants pour nous d'appuyer aussi tous ces raisonnements sur des... Ça, c'est un premier corpus que j'avais donc construit dans les années 2008-2009 et qui retrace, en fait, il démarre en 97, mais c'est vrai que ça démarre véritablement en 2003. Il y a signes précurseurs, on va dire. Il y a des petits textes bizarres, des alertes, des petits rapports, des choses comme ça. Et on a donc un déploiement temporel d'une première série. Hein. Ça, c'est le corpus socle sur lequel j'aurais pu rester, mais en fait, j'en ai rajouté d'autres depuis, qui me permet de décrire deux moments forts dans la crise de 2004, hein, enfin, la crise, le conflit 2004 avec sa résolution, entre guillemets, qui est très importante, on y reviendra, fameux états généraux de la recherche, dont aujourd'hui on nous dit qu'ils avaient déjà défini notre présent en annonçant en fait ce qu'il nous fallait pour la recherche. Et puis la crise de 2009 qui n'est pas du tout de même nature, c'est pas les mêmes acteurs, on est dans une autre configuration. Donc c'est très intéressant de suivre ça et de voir ce qui a bougé. Je l'ai mis en année et puis en mois, parce qu'évidemment, selon le grain qu'on prend, on ne voit pas les choses de la même manière. Et il est clair que, par exemple, c'est un autre corpus. Avec Prospero, si vous voulez, c'est un peu comme en musique, on a plusieurs lignes. Elles ne sont pas nécessairement accordées, on parle de musique contemporaine. Il y a des silences, il y a des blancs. Là, j'ai pris, par exemple, toutes les contributions sur souvent la recherche. Vous voyez, très forte en 2004. Des contributions, c'est-à-dire des gens qui viennent écrire sur le site. C'est pas un fil d'actualité, c'est encore différent. C'est donc des auteurs qui assument leur discours et qui viennent dire quelque chose sur ce site-là. Il y a, vous voyez, en janvier 2009, un pic, à l'occasion, c'est très clair, du discours de Sarkozy. Et ensuite, le signal se faiblit. Et j'ai regardé, les contributions sont assez faibles aujourd'hui, puisque, vous voyez, on est en décembre 2013, on a un cri d'alarme de l'Académie des sciences. Même l'Académie des sciences peut lancer des alertes, il n'y a pas de monopole. Hein. Et vous voyez, on a pour l'instant, à part une intervention dans l'Entretemann qui est reportée là-dessus, c'est quand même une disparition quand même de l'engagement des auteurs. Donc c'est intéressant de le regarder, de le systématiser, de prendre des corpus, et bon, quand il descend en intensité, ben on en tient compte, quoi. On ne peut pas clore ou décider de la série à la place des acteurs. Hein. Ça, c'est un des principes fondateur de ce qu'on appelle la sociologie pragmatique, mais version non lemieusienne, je pourrais m'expliquer si vous voulez, là-dessus. Il y a d'autres versions que celle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est eux qui décident de la clôture, de la non-clôture du processus, et pas le chercheur. Donc c'est important d'avoir des outils qui continuent à suivre, même quand on a arrêté l'analyse. Alors, une autre série que j'ai récupérée hier, grâce à notre logiciel Tiresias, qui est un Lascar, donc spécifique, qui va chercher des sources sur le web et qui les arrange pour les faire passer dans Prospero. Là, j'ai quand même 6123 documents, donc j'ai pas eu le temps véritablement d'en extraire tout ce que j'aurais pu depuis hier. Ça fait un gros machin, mais ça tourne, même sur ce portable, je pense que ça passe. C'est limite, mais ça passe. Et vous voyez, on retrouve, c'est un série qui commence en 2007, c'est intéressant. Vous voyez, c'est comme en musique, il y a vraiment des décalages. Il va falloir apprendre à travailler des objets comme ça, qui ne sont pas synchrones. Donc ça part un peu plus tard. Évidemment, ça part juste avant des réformes qui concernent plutôt la LRU, cette fois-ci. On est sur l'université, on n'est plus sur la recherche. C'est intéressant aussi le partage des trucs. Avec un pic, évidemment, qui correspond à nouveau à ce moment fort de la crise sarkozyenne, donc le printemps 2009. Et puis, là aussi, une baisse d'intensité, mais beaucoup moins tangible que sur le corpus précédent. Et voyez le petit pic de mai 2014 qui peut donner un peu d'espoir à ceux qui aiment bien les mois de mai, les révolutions civiles et autres agitations, agitprop, etc. Bon. Donc ça veut dire que là, il se passe quelque chose, quand même ça ne retombe pas et ça redémarre. Donc ça serait intéressant, évidemment, d'aller... Alors je signale juste un phénomène intéressant que je ne pourrais pas déployer, hein, parce qu'il faudrait un séminaire entier... Sur cet objet-là. La loi Fioraso, c'est donc bien juillet 2013. Il y a des discussions assez intenses, donc c'est bien repris sur SLU bien avant la loi. Il y a des traces, il y a des gens qui discutent, mais peu de gens réagissent. Et il y a cet effet retard qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'au fond, une loi est votée, et c'est parfois au moment de l'application où ça descend dans des instances qui sont censées effectivement appliquer la loi ou la mettre en musique, que tout à coup les gens réalisent et se mettent à lire les textes, n'est-ce pas, et voir que finalement ce qu'on nous dit ne correspond pas à ce qui est écrit, ou ce qui est écrit a configuré un futur qui n'était absolument pas souhaité par ceux qui sont concernés, etc., etc. Donc les décalages temporels sont absolument décisifs quand on veut faire l'analyse de ce type. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la mise à plat de discours comme ça dans des projections un peu planes, mais bien dans des choses qui vont avoir une histoire, une temporalité propre. Et ça, c'est une des choses que je voulais bien dire, c'est que si on veut faire ces analyses avec un peu de distance, d'objectivité, pour justement éviter l'anathème du genre vous êtes une bande de gauchistes et en gros ce qui vous intéresse c'est faire de la critique des réformes, il faut précisément être capable de bien montrer, d'utiliser tout ce que sait faire la sociologie contemporaine, de travailler avec les temporalités propres, les dynamiques propres des mouvements et les saisir dans leur propre mouvement. Alors, dans le premier corpus archives, donc celui qui existait depuis pas mal de temps, qui dormait sur le disque dur, je l'ai repris en faisant une périodisation, qui est une opération classique. En fait, j'ai distingué 6 périodes qui permettent après de voir des choses plus finement et leur donner un nom. Bon. Donc avant l'existence même de ce mot de la recherche, ce qui est important, car il y a quand même des choses qui ont été dites. On verra qu'il y a des rapports même qui vont commencer à préparer les choses. Donc ça va de 97 à 2004, alors que là c'est déjà un appel aux historiens, ou pas aux préhistoriens quand même, mais c'est quand même récent. Mais en fait on oublie, mais il y a plein de documents que j'ai pas, on pourrait enrichir cette période et les corpus encore une fois sont pas figés, ça peut constamment se re... Mais en tout cas il se passe des choses avant. Ensuite il y a une période 2, c'est celle où on va donc de l'émergence d'un mouvement qui se structure autour de la recherche, donc qui déborde les syndicats. Bon, c'est assez classique aujourd'hui dans les processus de mobilisation où on a des choses très instituées, puis hop, les coordinations des mouvements qui passent sur les côtés, et jusqu'aux états généraux. Vous voyez que ma périodisation s'appuie même sur des moments forts, hein, où il y a publiquement quelque chose se passe qui permet de dire il y a un avant et un après. Là, j'ai pas Fukushima, parce qu'habituellement, mes objets, c'est plutôt des trucs comme ça. Donc je prends en fait des actes ou des événements qui sont un peu marquants et que les acteurs vont eux-mêmes reconnaître comme marquants. Donc il y a une tentative de correspondance. Ensuite, il y a des réformes en gestation, donc c'est une période plus molle, plus floue, parce que les choses se mettent en place, la NR entre en marche, il se passe des choses, on prépare déjà la ERS d'ailleurs, on prépare déjà la loi, et puis on va jusqu'en mai 2007, où j'estime qu'il y a un événement suffisamment marquant pour mettre un point d'arrêt et considérer qu'une nouvelle période s'ouvre. Je l'appelais Sarko Ier, j'espère que je ne suis pas trop visionnaire là-dessus. En tout cas, de mai 2007 à décembre 2008, on a une nouvelle période qui s'ouvre. Là aussi, avec le vote d'une loi en plein été, qui n'a pas suscité une mobilisation extrême, même si ça va susciter la colère qui va revenir après. La crise majeure, donc, celle qui a quand même duré quasiment 6 mois, si on est généreux, c'est 6 mois. C'est vrai qu'à la fin, c'est comme la ronde des obstinés. Enfin, on aurait pu prendre la ronde des obstinés comme indicateur. À la fin, c'est vrai qu'il y avait une ou deux personnes qui tournaient quelques heures. Ça, on voyait le truc se fatiguer. Et puis après la défaite, on prend ça comme ça, peu importe, où on a encore un certain nombre de documents qui viennent recaler les choses. Donc ça permet, donc là je m'amuse à tester avec le Prospero, vous voyez, c'est que ça marche comme ça, c'est un processus itératif dans lequel on teste des représentations, on les remet en jeu ensuite si elles sont valides. Donc j'ai une catégorie qui s'appelle mode de protestation, qui est de bon sens, hein, c'est tous les marqueurs du fait qu'il y a des mobilisations, des grèves, des revendications, des contestations, des pétitions, etc. Et on voit bien que c'est la période 5 dans laquelle la catégorie est instanciée au maximum. Ensuite, la période qui précède les états généraux, après la défaite, ça chute, ça continue à râler, mais ça. Et puis on voit les périodes effectivement, de faible intensité de la mobilisation, ce qui permet en fait de bien caractériser, de montrer qu'on a des configurations qui vont marquer le sens des actes et des discours. Et l'hypothèse que je fais, c'est que je ne sais pas si on voit grand-chose, parce que c'est un petit peu, c'est clair là-dessus, mais c'est pas terrible. Bon. Le mot que j'ai actionné là, je l'ai fait un peu exprès, c'est le mot innovation. Pour indiquer que aujourd'hui on va être à nouveau dans une rhétorique de l'innovation très forte dans la période récente, c'est que c'est déjà très présent dès le début. Là on est dans la période 1. Les thèmes qui vont animer les acteurs qui interviennent donc avant la crise de la recherche, c'est de rapprocher la science et l'innovation. Et là, il y a un grand nombre d'intervenants qui vont... j'ai remis celui-là parce que je l'aime bien, parce que je l'ai croisé avant-hier, Bruno Latour, hein, c'est l'auteur de ce texte, qui justement fait tout un procès sur l'autonomie de la recherche, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et on voit bien s'introduire une nouvelle argumentation publique. En tout cas, bon, la science seule, la science autonome, ça n'existe pas. Maintenant, elle doit être au service de la société et en contact avec une hétérogénéité d'acteurs. C'est des débats à l'intérieur des études de sciences. Certains ont parlé, Novotny notamment, de mode 2, hein, c'est-à-dire une science qui est définitivement déconfinée, qui ne se fait plus toute seule dans sa tour d'ivoire, mais qui est en interaction permanente avec des acteurs. Et là, on le voit. Donc, dans la partie 2, période 2, j'accélère un peu, hein, ce qui est frappant, c'est que la revendication, c'est quand même une revendication de moyens. C'est-à-dire que ce qui est frappant dans le mouvement de 2004, quand même, bon, pour ceux qui l'ont connu, c'est évident, mais encore faut-il bien garder la mémoire de ça et voir comment ça structure les c'est une revendication de moyens qui va avoir d'ailleurs des effets, c'est que la question de l'excellence, par exemple, n'est pas très présente. Et ça va générer d'autres problèmes. C'est qu'il ne faut pas donner les moyens à n'importe qui, et on va avoir en fait une structuration par l'évaluation. Alors, dans ce moment-là, évidemment, la totalisation de ce qui s'est dit et ce qui s'est fait se retrouve normalement dans les états généraux. Je vais passer là-dessus, mais on pourrait s'arrêter, puisqu'aujourd'hui on voit ressurgir des arguments qui disent on ne voit pas pourquoi vous seriez contre les réformes actuelles, puisqu'elles sont déjà programmées par le mouvement lui-même en 2004. Donc on pourrait reprendre exactement et faire un travail, hein, un peu comme le travail herméneutique qui est fait actuellement sur les fameux associations versus regroupements communaux. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui sont dites, mais elles n'ont pas le même sens. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans la même période. Donc si on n'a pas effectivement cette sensibilité au changement de configuration au fil du temps, on a tendance à dire « c'est déjà dit ». Comme s'il y avait une espèce de déploiement naturel et mécanique d'énoncés qui n'ont en fait en réalité pas du tout le même sens dès qu'on le remet dans leur contexte. Alors je vais prendre juste quelques exemples. Je passe là-dessus parce que c'est un peu dense peut-être pour ici, mais je voulais vous rappeler qu'on peut entrer vraiment dans le corps des documents, hein, Prospero est toujours en relation directe avec les textes, ils ne sont pas évacués, hein, ce n'est pas une base de données, c'est vraiment les textes pleins qui sont traités par le système. Et donc, je vais me concentrer là, je me concentre sur les états généraux. Et premier thème qui est vraiment majeur, c'est l'évaluation. Les états généraux, effectivement, ça c'est assez difficile à contester, par contre, vont mettre le paquet sur l'enjeu d'évaluation et vont effectivement enclencher la mise en place de la ERS. Alors, les gens diront, mais c'est pas ça qu'on voulait exactement, etc. Bien sûr. Mais n'empêche, là, pour le coup, c'est vrai. Par contre, si on regarde l'excellence, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai été trop vite. L'innovation, on est déjà descendu très fortement dans la structure des énoncés du texte, qui est un énorme document, hein, mais sans centre de page. Francis, vas-y, nous dire un mot sur ces quatre fenêtres, oui, alors, et la façon dont se balade la ligne bleue. Oui, c'est vrai, je vais un peu vite, parce que moi, pour moi, c'est devenu une entité familière, ce machin. Encore, c'est la version 1, ça. En fait, donc, là, c'est une fenêtre du logiciel, il y en a des milliers, hein, qui classe les auteurs, c'est-à-dire ceux à qui sont attribués des documents. Par exemple, Guillaume, on y reviendra tout à l'heure, c'est l'auteur de deux rapports qui sont importants dans cette série-là. L'Assemblée nationale, souvent la recherche, Pécresse, enfin, chaque auteur a son point d'entrée. On peut rentrer par les auteurs, voilà, c'est ça. Là, je rentre par les états généraux de la recherche. Je considère que c'est les états généraux de la recherche, l'auteur. Bon, difficile de dire qui est l'auteur. Voilà, c'est le monde de la recherche, mais enfin bon, il vaut mieux dire états généraux de la recherche, c'est pas le monde de la recherche en général. Et donc, ça structure les thèmes, donc automatiquement, tout ça, bien sûr, qui sont les plus présents dans ce document. La fenêtre en haut à droite, c'est ce qui est complètement spécifique au document, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors, il y a parfois des bizarreries, mais voilà, bon, ça n'a pas toujours du sens. Hein. On n'est pas dans la surinterprétation, comme toujours. Hein. Il faut savoir, les verbes majuscules, je ne les ai pas retypés, j'ai eu la flemme, j'aurais pu les basculer dans une autre classe d'objets. Ça veut dire qu'on est beaucoup dans les slogans, dans les mots d'ordre quand même. Rénover, réaffirmer, systématiser, aménager, c'est intéressant. Bon, enfin, voilà. Et on a ce qui n'est pas présent. Alors ça, dans la version 2 de Prospero, on le structure très différemment, c'est plus malin. Là, c'est la version 1, elle est un peu pauvre, mais quand même. C'est tout ce qui n'est pas présent, ce qui n'est pas activé. Alors, il y a des explications simples, c'est que c'est la période suivante. Donc, normalement, comme c'est la période suivante, ça ne va pas être présent. En fait, on a des surprises. Des choses, par exemple, les presses, les fameuses presses, qui ne surgissent que 2006-2007, ils sont déjà présents. Par contre, évidemment, il n'y a pas de Pécresse, elle n'existe pas vraiment encore politiquement à ce moment-là. En tout cas, pas au niveau national. Ou pas clairement. L'AERS n'est pas nommée comme telle. Pourtant, l'AERS, quand il y a un arroba, ça veut dire que c'est un objet qui contient plein de désignations différentes. Il n'y a pas d'économie. ça m'a beaucoup plongé dans la perplexité, mais je n'ai pas eu le temps malheureusement de mener l'enquête. Donc ce que je peux faire quand je vois un objet comme ça, il n'y a pas d'économie dans ce document, comment est-ce possible? Donc je vais dans le document, je cherche, il doit y avoir d'autres façons de nommer l'économie, et parfois on voit qu'effectivement il n'est absolument pas question d'économie. Ce qui est intéressant puisqu'on voit que la notion d'innovation est très basse aussi, et donc on est dans une construction quand même de la recherche qui reste quand même très centrée sur une vision, on ne va pas dire scientiste, mais voilà. Il n'y a pas de Sarkozy, il n'y a pas encore de projet de loi, enfin, c'est intéressant, on voit tout ce qui n'est pas activé. Donc on est dans un monde finalement qui n'a pas à se poser un certain nombre de problèmes. Il n'y a pas de CNU, il n'y a pas de LRU, il n'y a pas d'alinéa non plus parce qu'on n'est pas dans la rédaction d'un document juridique. Donc là, c'est la même chose. Et vous voyez, l'excellence, puisque je réponds au cahier des charges là, déjà, est très basse. 4 occurrences, pour venir, oui, mais quand même, c'est présent, c'est absent. Vous voyez, on n'est jamais dans tout ou rien. C'est déjà présent. Alors on va regarder. De quoi on parle quand on parle d'excellence? Donc là, je demande au système de me sortir tous les énoncés qui engagent le thème dans ce texte-là, ce qui permet de bien l'isoler du reste du corpus. Et je vois, c'est non seulement la voie la plus onéreuse, je ne sais pas de quoi il parle avant, peu importe, mais elle conduit de plus sous couvert d'excellence. Tout à l'heure, j'ai fait allusion aux guillemets. Ça veut dire qu'on est dans une... C'est présent, mais sur le mode critique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une présence plate, c'est l'excellence est mise à distance. De énoncé 214, elle ne se pose pas la notion dite d'excellence ou de pertinence dès lors que l'on définit celle-ci comme l'objectif, etc. Donc là encore, mis entre guillemets, pas assumé, ça veut dire pas, selon les linguistes, hein, ça s'appelle une opacification. C'est-à-dire que j'assume pas le terme, je le mets entre guillemets. 303, ils ne doivent pas se réduire à des notions instantanées d'excellence ou de progrès, donc c'est quand même un énoncé plutôt négatif. On n'a pas de rhétorique de l'excellence, quoi, positive. Elle est plutôt rejetée dans les coins. Et enfin, il est essentiel de ne pas avoir en la matière, encore une formule négative, on travaille beaucoup là-dessus avec le logiciel. Qu'est-ce qui est mis à la forme affirmative ou négative, ça change pas mal de choses. Vous voyez, on n'est pas simplement dans les comptages de mots, il faut regarder comment c'est agencé. Une vision exclusivement élitiste qui distinguerait quelques sites d'excellence européenne. Donc on est quand même encore dans quelque chose... On n'est pas dans... On ne peut pas dire que les états généraux de la recherche aient porté un message autour de la notion d'excellence. Voilà, bon, c'est pas une preuve absolue. On peut dire qu'ils le pensaient tous derrière, qu'ils l'ont pas dit, je sais pas, on pourra en discuter. L'innovation, c'est pas beaucoup mieux finalement. Je me suis dit, bon, là, sur innovation, ils vont faire le coup, comme on veut des sous, on veut des moyens, on va vous faire. Mais vous voyez des phrases du genre, la mission première est l'élaboration de connaissances, l'innovation n'est qu'un aspect de la valorisation des découvertes. Vous voyez que l'opération argumentative qui est faite, c'est que l'innovation n'est qu'un aspect de quelque chose de plus grand. Or, quand on va s'amuser à regarder les textes récents, qui sont donc rédigés par un gouvernement de gauche, qui essaie de se refonder sur le mouvement de 2004, y compris d'ailleurs des leaders de 2004 qui sont entre-temps montés dans les structures politiques, je ne sais pas de nom, là, je ne permettrai pas, plus moi je m'en fous, mais on a changé de régime. Donc c'est ça que je voudrais vous montrer, c'est que cette périodisation au fil du temps, elle permet d'identifier quand même que les mots ne sont pas utilisés de la même manière par les mêmes personnes. Parfois, la même personne peut changer de rhétorique et entre dans des agencements de plus en plus compliqués. Alors, la période suivante, qui est celle en fait des réformes qui vont entrer, c'est surtout l'Europe qui arrive comme motif majeur. Je passe là aussi rapidement. Vous voyez, on n'a pas encore tellement de LRU, on n'a pas de SLU, c'est intéressant, SLU n'existe pas encore, vous voyez, mais il commence à monter parce que la machine l'attend, puisqu'il a une certaine place dans la structure du corpus, vous voyez. Donc il y a tout un travail, en fait, que fait le logiciel de dire, ben, il est très important ailleurs, mais il n'est pas là, dans cette période. Je passe. Alors, vous voyez, par exemple, un document typiquement qui illustre cette forte présence de prégnance de l'Europe dans les textes, c'est ce document qui vient du centre d'analyse stratégique. Alors, voilà, c'est pour te donner aussi les auteurs de tout ce truc-là, on peut les situer, évidemment, qui vont introduire énormément de choses, parce que ça va être repris derrière. Donc, construire un espace européen de la recherche compétitif au service de la société européenne, c'est porté par le centre d'analyse stratégique, hein, qui est donc sous la responsabilité du Premier ministre. Et c'est très intéressant de voir comment ils ont configuré là aussi des discours qui vont après fonctionner en mode quasi-automatique, pas seulement chez Fridançon, bien sûr, ce serait Dommage d'en faire la seule victime de tout ça. Mais en fait, on peut en refaire la généalogie, c'est-à-dire que des trucs qui ont l'air d'avoir une certaine force argumentative, en fait, ont été fabriqués à certains moments pour répondre à des agencements. Alors, l'ANR, dans la partie suivante, c'est Sarko Ier, là, on est vraiment lancé dans la machinerie. Je passe rapidement, mais c'est vrai que l'ANR et l'AERS vont devenir les deux points qui vont focaliser l'attention dans cette période-là. Ça va structurer énormément de choses, ça va avoir des conséquences sur l'ensemble des activités, que ce soit l'universitaire ou de recherche. Et la crise majeure, ben, vous voyez, bon, on voit surgir les enseignants-chercheurs, les étudiants, on voit monter en puissance un certain nombre de personnages. Et puis là, on a le pouvoir de la rue, comme on dit souvent, mais qui s'est révélé quand même assez inefficace sur pas mal de choses. Bon. Je voulais le faire. Donc, dans cette période, ce qui est frappant aussi dans les discours, notamment de Pécresse, c'est le bombardement rhétorique de tout un discours managérial que j'ai regroupé sous cette catégorie que j'ai appelée management de la recherche, parce que c'est assez typique, hein, de notre milieu. On le retrouve dans d'autres domaines que celui qui nous intéresse ici, mais en fait là, il est particulièrement cohérent. Je n'ai pas présenté une carte de lien que j'avais sortie une autre fois où on voit qu'il s'est très noué, c'est-à-dire que tous ces termes sont en fait très, très connectés les uns aux autres. On peut le faire, on pourrait même le faire en direct si vous voulez, j'insiste pas. Mais on voit bien qu'il y a tout un registre qui est fortement marqué et que les thèmes majeurs, bon, ce n'est pas seulement l'innovation ou la valorisation qui sont des mots clés un peu de ce rhétorique, mais c'est la visibilité, les presses, la performance, l'économie de la connaissance, les indicateurs, les pôles de compétitivité, la société de la connaissance, etc., etc. Les brevets, bien sûr. Vous voyez, on a un univers qui est très présent et qui va faire l'objet d'un travail critique important. Alors ça, c'est important parce que c'est Pécresse qui crie victoire devant le CNRS. Mais il faut vraiment lire le texte attentivement. Elle est tellement contente de voir qu'elle a vaincu les chercheurs que ça se sent quand on lit attentivement ce document où elle présente en fait devant le conseil scientifique du CNRS en fait les réformes de la recherche, hein, et donc après évidemment 6 mois de lutte. C'est intéressant de lire ce texte justement dans le contexte, hein, de la fin d'une période, une période critique. Voilà, en face, donc ça vient de Nanterre, c'est toujours les mêmes qui râlent, hein. On a une lettre ouverte qui prend acte précisément de la défaite, on va dire. Ouais, c'est pour vous montrer que mes périodes, elles sont quand même fondées sur des indicateurs solides, c'est-à-dire des discours à des endroits stratégiques avec une forme explicite. Et vous voyez que là, on passe dans autre chose. Voilà. Donc, période suivante, c'est une période un peu de retombée d'intensité, hein, il y a beaucoup moins de documents, et on est plus, donc on voit monter par contre des sigles. C'est une période de sigles. Donc Marlowe, qui est un de nos logiciels, est un amateur de sigles. D'ailleurs, ils sont en ligne, hein, il les dépose régulièrement, il fait une collection de sigles, parce qu'on vit dans un monde de sigles. Donc très rapidement, si vous voulez avoir l'air compétent, il faut connaître les sigles. Si dans une réunion, vous pouvez me dire ce que ça veut dire PCRD. Alors là, vous êtes alors soit il se fout de ma figure, parce que c'est, en général c'est ça, soit effectivement c'est le blaireau. Il y a deux possibilités. Donc vous êtes dans un monde comme UE par exemple, maintenant vous êtes, tout le monde est censé savoir ce que ça veut dire. D'accord. Et bien, il y a encore des collègues à l'école. On dit comme UE ou comme UE ou comme U, par exemple. Donc les premiers pas des sigles dans la vie publique sont très intéressants parce que ils sont entre guillemets, ils sont développés. Ils ont plusieurs extensions, parce que parfois, il y a des variations sur le « et » ou le « etc. » Et parfois, quand ils commencent à réussir leur vie, paf, plus personne demande, ça veut dire l'ABEX, hein, ou Equipex. Enfin, je veux dire, c'est pas une marque de lessive, bon, voilà, c'est stabilisé. Et donc, c'est dans cette période-là que ça s'installe. Là, ça va très vite, parce qu'on a le mouvement s'est arrêté, hein, fin 2009, et ça colonise les discours publics. Voilà. Et vous voyez, là encore, je ne fais que renvoyer à des documents qui sont derrière. Là, c'est la version imagée, mais quand la recherche emprunte des voies nouvelles, bon, là, c'est les mines, hein, donc on est quand même dans le dur, mais le magazine de l'école des mines de Nantes, Equipex, Labex, IDEX, vous voyez, c'est en train de s'installer, et ça devient en fait... Alors, pas de questions d'autres... Je fonce, parce que je n'aurais pas trop dépassé... J'en viens à la question de l'excellence. Je zoome un peu sur l'excellence. Si je regarde, je reprends mes 6 périodes et je prends le terme excellence, je constate qu'en fait, statistiquement, c'est sous Sarko Ier qu'il est le plus présent. Mais en réalité, quand on pondère, parce qu'il faut quand même faire attention, je ne suis pas un normateux, mais hein, il y a quand même plus ou moins de textes dans mes périodes, il faut faire attention, c'est dans la période après la défaite. Donc effectivement, l'excellence est un produit, en fait, de ce processus critique et arrive à la sortie comme quelque chose qui va envahir, en fait, le discours public sur la recherche et l'enseignement supérieur. Alors que, vous voyez, avant SLR, ce n'était pas franchement à l'ordre du jour. Au moment de la crise majeure, c'est pas ce qui préoccupait les acteurs essentiellement. Sous Sarko Ier, ça commençait à devenir vraiment central. Donc on a bien quand même une structuration de l'usage d'un mot, là j'ai pris celui-là, j'aurais pu en prendre d'autres, au fil du temps, selon les périodes. Donc ça permet quand même de les remettre, de refaire un peu de Kosselek. Il y a une sémantique historique des notions. Alors je m'amuse là à regarder dans le corpus socle, hein, le premier, le mot excellence, d'où il part, et je tombe sur le rapport Guillaume. Alors le rapport Guillaume, c'est un rapport qui est remis au gouvernement donc en 1998, donc c'est au tout début de ma série, et qui est fascinant à lire parce qu'il se préoccupe de la question de la valorisation de la recherche, essentiellement, et comment faire bouger les lignes, et on retrouve ce que je disais tout à l'heure sur déconfiner la science et l'amener à faire des incubateurs, à transformer une partie des chercheurs en start-upistes dynamiques, à faire des partenariats de plus en plus osés avec le privé, à breveter, bien sûr, et on parle de plus en plus de compétitivité. Donc le rapport Guillaume est le précurseur. Donc je réponds au cahier des charges que m'a donné. Parce que, au fond, ça vient de là, l'excellence. Si on devait, d'ailleurs, le logiciel Marlowe, qui est notre intelligence artificielle, quand je lui demande d'où vient le mot excellence, il dit rapport Guillaume, 1998. T'exagères, il existait avant. Mais en fait, dans la série qui nous intéresse là, c'est de là que ça part. Et effectivement, vous voyez, c'est assez même répété dans le texte. Et ensuite, ça me permet de suivre, au fil du temps, tous les précurseurs hein, qui vont parler de ce truc. Alors, les auteurs qui en parlent le plus, si on prend les choses de manière structurale, évidemment Pécresse, Rocard et Juppé, qui ont fait un rapport intéressant sur... Alors, Rocard et Juppé se sont associés... Là aussi, c'est intéressant de reprendre ces moments de... d'agencement entre des gens qui sont a priori quand même pas exactement dans le même truc, mais qui vont penser l'avenir de la France, bien sûr. L'Assemblée nationale, Guillaume, donc, vous voyez qu'il n'avait pas le monopole, hein, que ça, après ça va se développer. Souvent la recherche qui va reprendre le thème de manière critique pour un temps, mais pas tant que ça. Et on va avoir un tas d'acteurs qui vont... Donc, on peut resituer, alors là je le fais vite, mais on peut le mettre par écrit, alors ça peut vite faire 100 pages, hein. Tous les auteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que la connexion avec l'innovation se fait. Ça, c'est le réseau d'excellence. C'est-à-dire, c'est tous les termes, les notions qui sont les plus fortement connectées. Alors, il y a des gros machins, parce que l'État central, vous imaginez bien qu'il y a 10 000 façons de désigner l'État, hein, les pouvoirs publics, l'État central, le gouvernement. C'est réuni dans un même truc. Ça, c'est la Paris de Prosperos qu'on ne va pas redécouvrir des connexions qui sont évidemment déjà constituées. Il y a des blocs. Et on a l'innovation qui est très haute dans le réseau, qui est même centrale. Si on le représentait sous forme de carte de lien, c'est tout de suite au centre des connexions. Là, c'est volontairement présenté sous forme de liste structurée. Les cartes de lien, je trouve qu'on s'en fatigue rapidement. Et la catégorie qui domine ce réseau, c'est le management de la recherche, évidemment. C'est-à-dire que l'excellence est complètement plongée, donc. Et donc, ça valide la thèse de Jean-Françoise. On est passé d'une excellence qui avait plutôt une connotation académique à une excellence qui a une dimension managériale et qui va se redéfinir avec toutes les choses qui sont associées, innovation, valorisation, visibilité, label, performance, R&D, pilotage, indicateurs, etc. Alors, ça, je voulais vous montrer qu'on peut raffiner, parce qu'on peut regarder à quoi est associée l'excellence véritablement. Donc, on a des centres, des campus, des primes. Vous avez oublié le terme. On aime bien celle-là. La fameuse PES, maintenant. Des chaires d'excellence, des critères d'excellence, des internats d'excellence, on peut même, enfin bref, on peut tout associer à l'excellence. L'excellence devient le nœud, quand je parlais de rhétorique, c'est pas pour rien, parce que ça devient un attracteur argumentatif et narratif. Là, j'avais, parce que la machine a plusieurs boîtes, là, et les pôles d'excellence étaient un peu à part, non, faut pas les oublier. Voilà. Là, c'est un autre corpus, c'est SLU, pour montrer que c'est assez cohérent. On va retrouver aussi les connexions. Et vous voyez qu'on voit venir les IDEX. Alors, chez SLU, comme SLU, c'est un site critique, un site de mobilisation contre, a priori, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de critiques. Donc, j'ai été chercher tous les énoncés pointant vers une dimension critique de l'excellence. Et vous voyez, donc la catégorie mode de dénonciation, qui a commencé à avoir de la bouteille, elle tourne bien celle-là, c'est-à-dire qu'elle permet au logiciel d'identifier très vite un texte critique. C'est pour ça que je refuse de le mettre en grand commerce, ce logiciel. Donc, voilà. Je me suis encore engueulé hier avec un journaliste qui me dit « Mais nom de Dieu, votre boulot c'est de donner ça aux entreprises. » Bien sûr, là je ne raconte pas d'histoire. Et j'ai dit non. Bon, voilà. Parce qu'évidemment, on voit bien, quand on a des beaux réseaux sémantiques comme ça, ça permet très rapidement d'identifier. Donc vous voyez, la première notion qui vient en face d'excellence, c'est médiocrité, prétexte, mépris, discrimination, injustice. Donc là, on est dans une toute autre rhétorique, un contre-discours, qui évidemment, on va essayer de défaire cette emprise, et c'est un peu tard, on le verra à plusieurs reprises. Je passe là-dessus aussi, on l'a déjà vu. Juste un point, pour revenir sur ces questions de temporalité. Si on regarde la distribution de l'excellence par année... Et si on fait attention à bien mettre ça en fréquence en fonction du nombre de textes, on voit en fait que c'est vraiment dans la période après-crise qu'elle atteint son acmé et qu'elle va retomber ensuite. Je n'intéresse plus personne. Et j'ai trouvé pourquoi ce matin, je ne m'y attendais pas. J'ai fait la même chose avec innovation, de l'évaluation par contre, pour voir s'il y avait le même profil. L'évaluation, le terme de l'évaluation. Et on voit qu'effectivement, c'est très fort au début. Et ça reste, ça retombe aussi. Donc il n'y a pas exactement le même profil, ce qui est bon signe. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a une loi quelque part de distribution, de vocabulaire, de machin. Alors, j'en viens au cœur du truc. Là, une fois que j'aurais fait ça, après j'ai refait je remplis le cahier des charges. C'était tracé excellence. Donc là, c'est Marlowe. Bon, Marlowe, c'est un dialogueur, je passe sur les détails. On lui pose des questions, il répond. Il va chercher en fait dans les corpus, il active Prospero, et il renvoie des trucs. Tout ça est en ligne, je passe. Il commence toujours par une citation et on essaye d'en faire en lettré. Là, c'est Léo Spitzer qui est à l'honneur ce jour-là. Bon. Je lui demande d'identifier les épreuves marquantes autour d'excellence. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'il y a tellement d'occurrences que c'est quasiment impossible de toutes les sortir. Vous allez avoir, vous voyez, si vous imprimez les énoncés avec l'excellence, ça devient illisible. Donc, c'est-à-dire les moments forts, les moments où l'excellence est vraiment un enjeu pour ceux qui en parlent. Première hypothèse triviale. Le mot excellence a un score particulièrement fort dans le document en question et est à l'aise dans son réseau. C'est-à-dire que son réseau est assez conforme à ce qu'on peut attendre. Etc. Et du coup, ça commence, vous voyez qu'on retrouve Guillaume. Alors ça nous permet d'avoir un peu de verbatim. Donc la version Marlowe 2, il nous l'a envoyé par email, c'était sympa, mais bon, finalement on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte que plus personne ne lisait ce qu'il faisait. On en reparlera, mais il n'a pas fini sa carrière. Mais on a quand même des énoncés très forts sur lesquels on pourrait revenir, si vous voulez s'intéresser vraiment à comment c'est installé. Si la nécessité, le langage de la nécessité est très important aussi, d'une évaluation rigoureuse de l'excellence scientifique des équipes et des chercheurs selon les critères académiques n'est pas remise en cause, il est fréquemment reproché aux instances d'évaluation de ne pas encourager les échanges et les coopérations interdisciplinaires, mais au contraire de renforcer, etc. etc. La mobilité dans les fonctions doit être reconnue explicitement comme un critère d'excellence par les instances d'évaluation en complément de la mobilité thématique. L'air de rien... s'introduit l'idée quand même qu'on va évaluer les gens sur d'autres motifs que leur excellence dans leur discipline, qui est évidemment la définition académique dont on part. Ignorer, on l'avait oublié, elle n'était pas dans l'espace, là, elle était revenue sur Terre. Donc, à l'occasion d'un colloque sur la conférence des présidents d'université, qui vont jouer un rôle aussi non négligeable dans cette affaire-là, sur l'avenir de la recherche publique, on est vraiment dans les sujets, là. Oui, donc l'autre est que l'enseignement supérieur doit se distinguer par la qualité et l'excellence scientifique et professionnelle des enseignants, qu'il ne peut maintenir qu'adossé à une recherche forte, donc il y a des énoncés sur lesquels on peut travailler. Voyez que favorisant autour et à partir de l'excellence scientifique le développement économique et intellectuel de nos régions. Tous ces petits énoncés qui, autour de l'excellence, vont venir nouer en fait cette idée d'un impératif économique qui devient absolument incontournable et qui va définir en fait les objectifs et les missions. Alors, on peut le décliner. Ce qui est intéressant, bon, on retrouve les états généraux au-dessus. Donc là, l'énoncé que j'avais pris tout à l'heure, c'est plutôt bon signe parce que Marlowe fait son boulot, parce que c'est pas toujours gagné. Le programme est assez opaque parfois. Donc, il me retrouve ce que j'avais trouvé moi-même à la main. Et Biro qui joue un rôle important aussi à l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Vous voyez que là l'exemple c'est l'Allemagne. Lévy et Juillet qui ont fait un texte important aussi sur l'économie de l'immatériel, je passe. Guillaume qui revient en deuxième lecture, si j'ose dire, ou écriture, pour un rapport sur la valorisation de la recherche qui en remet une couche. Là il faut accentuer le financement par projet, hein, c'est ce qui est dit. Et l'excellence doit se mesurer justement à la capacité à financer des projets. Le conseil d'analyse stratégique, on retombe dessus. Le conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Donc voilà, je situe bien les acteurs qui ont mis en place ce concept-là. Pécresse, bien sûr. Donc Marlou est assez symétrique. Hein. Il essaye vraiment de retrouver les acteurs. Et on arrive enfin, ouf, à un truc un peu critique. En 2007, par Vinocur, vous connaissez bien, vous avez sûrement lu des textes, qui va remettre tout ça dans une description, une analyse critique, un dévoilement critique, dirait Boltanski sûrement, de ce qui se joue derrière ces machins. Donc vous voyez qu'on a un parcours assez intéressant. Alors maintenant, j'en viens, pour accélérer un peu, à une partie plus récente, qui n'est pas encore complètement dans les corpus, qui n'est que partiellement. En 2013, Jean-Yves Ledéo, qui est un acteur très important, en tout cas pour la gauche, pour le PS, sur ces questions de sciences et d'université, donc député depuis, je crois qu'il en a sa septième de la Moselle, je pense. En tout cas, tout le temps réélu, qui est un des piliers de l'Office parlementaire donc des choix scientifiques, d'évaluation des choix scientifiques et techniques, donc qui est un peu la matière grise de l'Assemblée, où on parle sciences, techno, environnement, santé, enfin les sujets graves, sur lesquels il faut être mobilisé, pas bâillé ou être absent. Donc c'est un de ces drames d'ailleurs, c'est qu'il y a peu de députés, de sénateurs mobilisés, parce qu'il faut faire un peu de science, il faut écouter des gens, etc. Moi j'ai participé à des auditions sur les OGM, par exemple, des choses comme ça. C'est quand même bien fait, il faut reconnaître qu'il y a une scénographie de la discussion publique autour de l'expertise scientifique. Et donc là, il a fait un rapport qui s'appelle « Refonder l'université, dynamiser la recherche ». Alors au passage, il dynamite l'AERS un petit peu, on peut lui reconnaître ça. Mais mieux coopérer pour réussir, il va faire une opération qui est très intéressante pour notre concept d'excellence, qui explique que justement ça va commencer à chuter dans les discours publics. Il s'agit de passer d'un modèle d'excellence par la compétition à un modèle de performance par la coopération. C'est ça en fait qui structure actuellement appelons ça une idéologie, une représentation, un modèle, je ne sais pas, j'en sais rien. Des réformes en cours. Cet objectif de performance entre guillemets se veut plus ambitieux que celui de l'excellence. Vous voyez, il y a vraiment un travail sur les concepts. C'est fait explicitement et c'est en circulation tout ça. Plein de gens l'ont lu. Car il substitue une approche collective à la logique purement individuelle de l'excellence. Je trouve que c'est assez joli. Parce qu'effectivement, ce qui va prendre la place de ce truc-là, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on va. L'innovation était déjà là. On l'a vu. Elle était dès le départ même dans le jeu. Et l'excellence va finalement bye-bye. On va maintenant s'arranger pour qu'il y ait véritablement une économie d'innovation créatrice d'emplois. Bien sûr, c'est la connexion qui arrive tout de suite. Donc j'ai souligné là, mais ça revient de manière continue. Et là, vous avez Marie-Georges Buffet qui fait une intervention qui est très intéressante, je trouve, d'un point de vue argumentatif, là encore, de regarder. C'est « il n'est pas contestable que ». Alors moi, pour moi, c'est des marqueurs très importants. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de Prospero, mais on a une boîte spéciale en disant attention, ça veut dire quand même que c'est contestable malgré tout. Parce que quand on ne dit pas il va de soi, enfin, on peut faire des boîtes assez compliquées hein, sémantiquement. C'est-à-dire, il va de soi que, est-ce que ça dit la même chose qu'il n'est pas contestable que. Bon, j'oublie qui est l'orateur, l'énonciateur, je ne suis pas censé le connaître. Oui, Buffet, bon, c'est qui. Voilà. Il n'est pas contestable que l'excellence scientifique et technologique des organismes de recherche contribue à la production, à la diffusion d'un savoir et d'un savoir-faire national, gage d'innovation future et de création d'emplois qualifiés. Mais, j'ai suivi les séminaires de Ducrot pendant très longtemps, ici même, linguistique argumentative, mais ce qui suit mais est préféré à ce qui précède. Ouf. On ne peut pas faire de ce qui est une conséquence de la recherche un de ses objectifs prioritaires. La bagarre est là-dessus. Et je pense que nos sénatrices ou nos sénateurs qui ont mis l'association et qui sont battus pour avoir quelque chose d'autre que le regroupement sous forme de COMUE sont précisément dans ce même combat. Vous voyez, ça se traduit par des amendements rejetés, acceptés, etc. C'est pas trivial, c'est un travail politique que peu de gens suivent parce que bon, c'est très dense. Moi-même, je range des documents de 150 pages, même avalé par mes machines. Hein. Bon, Michel, oui, lui, mais c'est un boulot de dingue, quoi. On y passe des nuits. Et donc, du coup, ça réduit évidemment le cercle de ceux qui lisent attentivement. Et ce qui en sort, évidemment, ce sont des mots d'ordre, des figures. Et vous voyez que la ministre intervient. Les sciences humaines et sociales, à propos des sciences humaines et sociales, c'est très intéressant, peuvent parfaitement donner lieu à des transferts. Au transfert ici, dans ce contexte, c'est les transferts vers le privé, vers le. Bon, compris. Transfert techno, quoi. Alors que certaines recherches fondamentales ne pourront jamais se transformer en innovation. Elle reconnaît qu'il y a il faut faire des nuances entre des choses, elle fait un compromis. Voilà. Bon, je passe rapidement à ce dernier point, Pécresse versus Suraso. Donc, vous savez, il existe des Google Fights. Vous pouvez rentrer de nom et vous voyez qui. Pour ça, je m'amuse. Là, j'ai les discours de Suraso, donc depuis juin 2012. Il doit en manquer un peu dans la période récente parce qu'il y a eu ce changement, de ce remaniement. Donc, on va y remédier assez rapidement. Donc, c'est un petit corpus. Je vois que ce qui domine, c'est bien l'innovation. Là, l'excellence est beaucoup plus basse dans le discours. C'est pas très solide. Si je regarde ce qui est dit sur l'excellence, paf, ça retombe sur l'innovation très vite. Donc on est vraiment effectivement dans ce passage d'une rhétorique à l'autre qui est très net. Là, bon, c'était un exemple d'usage. La recherche, la formation, l'innovation sont des enjeux majeurs pour notre société. Vous voyez qu'on a un triptyque maintenant. Hein. D'autre part, la connaissance est un levier essentiel pour la transformation socio-économique dans notre pays, plus que jamais dans la période économique difficile. Donc on est vraiment pris dans un discours qui va fonder sur la nécessité économique, hein, le redressement économique. Le gouvernement porte une politique volontariste sur le transfert, etc. Et ça donne tout ça. Alors, quand je parlais de rhétorique et de dispositifs, c'est que si c'était que des discours, même avec une certaine performativité, vous voyez, ça se défait. Il suffit de trouver un contre-discours. Le problème, c'est que ça s'inscrit dans des dispositifs. Et là, c'est le plan national pour l'innovation. Il y a une stratégie nationale de recherche. Toutes ces choses s'inscrivent, se consolident. Et on va avoir tout à l'heure une description de tout ce qui, j'espère, porte ces machins-là et vont les inscrire dans le dur. Je ne vais pas trop commenter ça, mais ça, c'est plus déjà pour préparer le transfert, si je veux dire, vers la suite. C'est-à-dire qu'on peut représenter ça sous forme de carte et essayer de voir comment, au fond, chaque acteur s'est construit une carte sémantique, là c'est Suraso, autour de l'excellence. Vous voyez qu'effectivement, l'innovation est très centrale. Recherche-innovation se touche quasiment. Donc pour, là, c'est pas GEC, hein, c'est un analyseur particulier. Il y a plusieurs stratégies. Hein. Moi, j'ai un collègue qui préfère GEFI pour des raisons... Il n'y a pas de religion. On essaye, on voit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses plus ou moins... noué avec des centres et des connexions plus lointaines et on peut les dissoudre. Je passe à Pécresse rapidement, donc là on revient un peu en arrière. Une autre structure de discours, l'excellence là est beaucoup plus présente. Hein, je refais la démonstration à l'envers de ce que j'ai fait tout à l'heure. Là on a. Certains avaient fait un discours qui s'appelait un CNRS ouvert et stratège, c'était assez intéressant, où il y a tout un topo sur les unités mixtes. Qui est très intéressant à regarder sur les dispositifs d'intéressement qui doivent être individuels d'un côté et collectif de l'autre. Individuel, donc c'est la prime qu'elle met en avant en réparant une injustice. Hein. Elle répare une injustice puisqu'elle crée une prime d'excellence scientifique commune aux chercheurs, aux enseignants chercheurs. Il y avait une injustice, c'est qu'avant la prime d'encadrement doctoral était versée aux enseignants chercheurs, donc on voit bien qu'il y a un changement de. Ah aussi, les formes de justification sont intéressantes à regarder. Et elle va proposer en plus de rétribuer les équipes, et pas simplement les individus, avec des dispositifs d'intéressement. Et la carte de lien de Pécresse. Alors là, j'ai pas eu le temps vraiment de les prendre, de jouer un peu au visionnaire, de regarder à travers si je vois des choses remonter. Mais on n'a pas eu tout la même structure. Hein, que chez Furazo. Donc il y a bien eu un changement, ça atteste au moins qu'il y a eu un changement d'environnement, qu'on est passé en gros d'une rhétorique à une autre. Et donc c'est pas exactement la même chose. On voit que l'évaluation est très centrale ici, alors que chez Furazo, elle a un peu disparu, elle est moins centrale. Alors ensuite, je m'amuse à faire de la comparaison systématique. J'ai dû écraser des choses, c'est pas très grave. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est prendre les discours en question et regarder ce qu'ils vont faire varier, ce qu'ils vont mettre en avant, ce qu'ils vont écraser, etc. Qu'est-ce qui ensuite... voilà. Par exemple, bon, Suraso est supposé être plus à gauche que Pécresse, mais bon, ça, c'est pas important. Et les deux catégories qui montent le plus, bon, statistiquement, c'est pas absolument terrible, mais c'est quand même le management et la logique de marché qui sont plus appuyés dans les discours de Suraso. Et en plus, on a des corpus, alors c'est assez rare, 466 pages, 477, C'est en variation relative, mais j'aurais pu le faire en variation absolue, parce que là, j'ai le même nombre de documents, et donc les valeurs, en fait, sont attendues, sont normalement les mêmes. Hein. Il y a un facteur de 1, 1,02. C'est-à-dire que quand, normalement, j'ai le double document, ben, j'attends le double du score, si c'était à peu près à la même place. Je ne vous raconte pas les controverses pour fixer cet algorithme, mais bon, parce que, après, il y a des enjeux, quand vous avez des utilisateurs lointains qui utilisent ça comme des preuves. Moi, pour moi, c'est des indices, pas les preuves. Mais on voit bien qu'il y a un discours qui est encore plus tourné. Par contre, ce qui disparaît un peu, c'est la logique d'incitation, très intéressant. C'est-à-dire l'intéressement, la prime, qui était plus forte chez Pécresse. De même que la référence à ce que j'ai appelé figure d'admiration et de crédit, la reconnaissance. On est moins dans le... Bon, on est plus réaliste, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Donc... Les principes de réalité plus forts, on parle de nécessité absolue, là on n'est plus du tout dans des choix de modèles, etc. Alors, je me suis amusé à regarder les personnages qui résistaient aux variations, c'est-à-dire quand on... Bon, ça c'est un algorithme un peu spécial, il marche pas mal, mais il y a toujours des bugs. Hein, parce qu'il a mis Grenoble en personne. Enfin bon, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, une exception. Furazo, donc, c'est des personnes qui sont présentes dans son discours. Personnalité et Pégresse des personnes présentes. Donc là, ça doit recouper très certainement des choses que vous allez montrer. Des personnages qui sont cités comme étant des appuis ou comme des exemples ou des délégués ou des responsables de quelque chose, qu'on nomme président d'une commission, enfin, c'est tous ces gens-là. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et ce qui est marrant, c'est quand on compare les deux discours, les éléments stables qui ne bougent pas dans les deux, il y en a trois. Bon, j'ai envie de passer d'abord par Descartes, parce que ça c'est normal. Descartes, plus c'est le ministère de la Recherche, je pense qu'il y a un effet, mais c'est intéressant. Juppé, beaucoup plus intéressant. Et Veil. Alors Veil, c'est deux Veil différents en fait. Donc là, il faudrait que dans la prochaine version, on mette les prénoms. On les a en fait, mais on ne les met pas. C'est pas du tout François, rassurez-vous. Il est caché, mais il n'est pas présent dans ses discours. Donc, par contre, là, on voit qu'on n'a pas les mêmes univers. Hein, de référence. Donc chez un élément absent du corpus B, c'est-à-dire ce qui est présent chez Pécresse mais n'est pas présent chez Fioraso, et inversement, ce qui est présent chez Fioraso et pas chez Pécresse. Donc on a un changement de personnel quand même qui se fait. Donc c'est pas simplement la configuration discursive, on a aussi évidemment une transformation. Ce qui me permet de finir là-dessus. Là j'ai un peu débordé mais pas trop. Donc, pour tendre la perche ensuite et à la discussion et aux exposés suivants, donc, moi je vais trouver mes nébuleuses de réformateurs, réformatrices, comme dirait Christian, par des voies différentes, etc. C'est-à-dire qu'au fond, je vais voir des grappes d'acteurs qui vont être associés à des projets de réforme, à des porteurs de programmes. Je vais les rassembler dans une collection. Prospero, c'est l'objet qu'on utilise, de façon à voir comment ils se distribuent et comment ils évoluent dans le temps. Mais par exemple, là, de l'un à l'autre, je n'ai pas les mêmes distributions. Ça, c'est le corpus Pécresse, par exemple. Là, c'est le corpus Fioraso. Donc, on a, en fait, des univers d'appui et de réformateurs qui évoluent, et on peut les tracer. Donc, je me suis amusé ici à les représenter à nouveau sous forme de cartes, parce qu'on aime bien les cartes. Moi, je ne suis pas un fétichiste de la carte. Je pense qu'il faut faire varier les représentants, parce que sinon, on a tendance à les naturaliser, alors que c'est des constructions liées à des processus d'analyse. Et vous voyez qu'on a, on peut commencer à regarder ce qui se passe et qui est au cœur, en fait, des dispositifs. Bon, moi, je vais le faire de manière beaucoup moins systématique et démonstrative que mes collègues, mais à partir des discours publics cumulés, on voit quand même des structures se former au fil du temps. Et surtout, on voit qu'il n'est jamais présent. Alors, je m'étais amusé à faire l'exercice sur un personnage de l'EHESS, que je me suis permis de citer dans un mail, ce qui m'a valu une petite remontrance. Apparemment, on peut avoir un directeur de développement de la recherche qui n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'est jamais présent nulle part. Il ne parle pas. Il n'est jamais soumis à compte-rendu. Donc il y a bien des éminences grises, des gens dont les noms n'apparaissent nulle part, ou en tout cas, il faut aller les chercher, faire un travail de détective pour remonter les informations. Donc, on voit bien qu'on est pris dans une tension entre faire confiance à ce qui émerge de la structure des textes. Alors, je finirai là-dessus. C'est important, c'est que là, dans mes corpus, j'ai des discours critiques. Donc j'ai des acteurs qui vont eux-mêmes faire le travail d'enquête partiellement. savoir qui a fait quoi. Par exemple, il y a un très beau texte de Sylvain Piron en 2009 qui essaye de comprendre qui est le conseiller de Pécresse pour les questions universitaires et qui fait en fait une enquête littéralement, et d'ailleurs il a été convoqué à l'Élysée pour en parler avec la personne en question puisqu'il avait écrit un blog, sur un blog Monsieur Machin est passé de l'université de Toulouse au cabinet de ministre et il décrivait tout le réseau. Justement, il faisait ce travail en fait de consommer. Mais évidemment, ça n'apparaît que marginalement dans le corpus, parce que c'est une opération de dévoilement. Si elle n'est pas reprise, s'il n'y a pas une affaire, imaginons qu'il y a une affaire du type Pygmalion, là, bon, effectivement, les noms ils ressortent. Les réseaux vont être visibles dans la carte. On va voir des paquets se former d'associés, en l'occurrence de malfaiteurs. Là, mais bon, donc là, on voit quand même des connexions, mais qui sont effectivement à la surface. Et c'est pour ça que ça donne effectivement complètement une légitimité au type de travail que vous allez proposer là, pour voir ce que les discours publics finalement ne rendent pas visibles. Alors je finis là-dessus. Derrière les discours, il y a les dispositifs, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises. Et la COMUE, finalement, me paraît une réalisation un peu tardive, mais assez exemplaire, de ce que j'avais déjà proposé comme système de management de la recherche, c'est-à-dire un système de pompe distribuée. Je n'ai pas déposé le concept, mais c'est-à-dire, au fond, vous organisez un pôle de management, vous avez des paniers de réseauteurs, de gens qui vont aller chercher les ressources. Par exemple, aller chercher un collègue étranger en disant « venir chez nous », les meilleurs étudiants, l'excellence va fonctionner. Et vous allez en fait construire tous les dispositifs intermédiaires qui permettent de capter les ressources et de faire fonctionner la machine. Et ça va être ça le boulot de ce centre de commandement qui se dégage quand on lit les textes. Ce n'est pas encore réalisé, mais ça ne va pas tarder à se faire. C'est-à-dire un pilotage qui ressemblera en fait à un pilotage de firmes multinationales avec finalement un petit groupe de gens qui auront un système de pompe. La pompe à budget étant quand même des pompes majeures dans le système. Bon, je passe là-dessus, mais je voulais montrer qu'on trouve sur le web, on pourrait faire une collection de figurations de ça. Il y a même des stages, alors l'INRA, l'INSERM, le CNRS, forment de plus en plus le cadre de management de la recherche. Je me demande si ce n'est pas devenu même une injonction pour certains directeurs de laboratoire, certaines unités, de passer des certificats de management de la recherche. Et donc, vous avez des dispositifs qui sont tout à fait, à mon avis, conformes au modèle de pompe que j'ai décrit. Voilà. Et ça va avoir des conséquences à plein de niveaux. Donc, ça, c'est sur la pompe étudiante, puisque dans les pompes, il y a les pompes étudiantes. Il faut attirer les meilleurs étudiants. Et alors, pour attirer les meilleurs étudiants, une des stratégies, c'est faire payer très cher. Donc là, c'est l'INSED, ce site, je ne le visite pas tous les jours, n'est-ce pas ? Bon, j'aurais pu aller sur le site de l'école de commerce de Paris, qui est dans le Pré-Cézanne. Tiens, d'ailleurs, c'est le Paris School of Business, je ne sais pas quoi, c'est pas en France, c'est là non plus. Donc MBA, bon, c'est assez classique, hein, et l'INSED est dans le même presse que le Muséum d'Histoire Naturelle. Et hier, dans l'assemblée du personnel un peu houleuse, ils se sont posé des questions quand même sur les prix d'entrée qui sont quand même de l'ordre, vous voyez, 62 500 euros l'inscription, ce qui est pas mal. Voilà, je m'arrête là-dessus. C'était un parcours un peu spécial, mais oui, l'INSEAD est dans le presse Sorbonne Université, et là 2500 c'est pas cher. 62 000. Non, parce qu'effectivement, tout ça est complètement une proposition de travail. Oui, c'était. Non. Je laisse les questions, ou alors on passe à la suite et on discute à la fin, ce qu'on veut. Oui, on discute. Jean-Marie. Appartient aussi à la commission recherche du Parti Socialiste, qui s'appelle le plan pluriannuel. Ah oui. Donc ça, par exemple, est-ce qu'on peut tracer les premières occurrences, les réseaux, comment on passe de la recherche Périno à... Je vais le corps ici, je ne vais pas le faire parce que non, ce serait un risqué d'introduire des... Mais vous voyez, par exemple, là j'ai mon corpus, je vais tout de suite aller chercher le truc et je vais regarder où ça apparaît, est-ce que c'est déjà attribué, c'est-à-dire quand ça apparaît, est-ce qu'on l'attribue à quelqu'un. Donc les corpus en fait sont aussi informatifs sur la manière dont on a la généalogie accrochée aux choses. Donc effectivement on peut remonter. Et moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des systèmes de partage, des collaboratifs. On en a quelques-uns, mais pas énormément autour de Prospero. C'est que des gens suivent le Parti Socialiste depuis 30 ans pour des raisons d'études politiques, j'en sais rien. Et je pourrais leur poser la question et ils pourraient faire le travail de jonction. Alors avec Google, on va trouver des trucs, mais ça sera beaucoup plus incertain, chaotique et moins structuré. Donc pluriannuel, on va regarder. Hein. Du pluri, il doit y en avoir pas mal. Voilà, il y a du pluriannuel, il y en a plein. Vous voyez, on est dans le rapport Guillaume, décidément, on ne le quitte pas. C'est-à-dire que le rapport Guillaume doit déjà introduire quelque chose de cette nature. C'est le programme pluriannuel, mais enfin bon, c'est déjà présent en 98. Donc à mon avis, c'est l'héritage déjà d'un langage qui s'est forgé bien avant. Donc ça, c'est une indication pour dire, ben voilà, la généalogie de ce concept, il faut aller la chercher encore avant et voir d'où elle vient. Voilà, je réponds rapidement, hein, mais c'est... Forcément, chaque corpus, il est clos sur lui-même, mais à l'intérieur du corpus, en fait, on a déjà des pistes pour aller générer d'autres corpus. Parce qu'évidemment, on hérite d'une histoire longue et à plein de sites, à plein de sites de production. Oui. Disons, proposer de rajouter quelque chose à un corpus gigantesque, c'est vraiment la pire des choses dont tu me regarderas avec horreur. Mais, disons, et ça c'est aussi l'autre problème, disons, de ces programmes, tu sais bien que innovation est un décalque de innovation. J'ai passé l'après-midi, de façon très grossière par ailleurs, à regarder le IAUP, le GULF, donc c'est International Association of University Presidents, le Group of University Leader Forum ou quelque chose comme ça. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas justement, les Japonais s'y sont mis de façon identique, rencontre au Vertex avec Cameron, dans lequel tous ces mots réapparaissent, disons avec quelques petites inflexions, mais en fait ce qu'on nous sert ici est quand même une sorte de modulation d'un discours global. Est-ce que Marlo parle anglais ? Oui, alors attendez, parce que on reste scientifique quand même, c'est-à-dire qu'on... moi, je ne travaille pas sur des souris ou sur des machins, mais j'essaye de caler mes trucs. Sur les domaines sanitaires environnementaux sur lesquels je suis, ça fait des années qu'on a basculé, qu'on voit bien que des choses se passent à Bruxelles, se passent dans des jeux d'experts européens, etc., etc. Donc là, effectivement, on va tracer des choses, on remonte aux États-Unis, l'IPA, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce sujet, les toxiques, les machins. Sur cet objet-là, effectivement, ça reste à faire, parce que j'ai du temps en plus, c'est pas une recherche, disons, de même nature, mais il faut le faire, parce qu'effectivement, beaucoup de choses se passent déjà au niveau européen. Il y a des think tanks, comme ils disent, qui sont extrêmement actifs depuis très longtemps pour formuler ces choses-là, qui rentrent dans une langue tardivement. Je vais prendre un exemple, c'est le principe d'innovation. Fioraso, elle commence à avoir pas mal de choses à son actif. Elle a réussi à esquinter le principe de précaution, donc comme vous le savez, qui est un principe quand même plutôt orienté vers la santé et l'environnement, que Chirac avait tenu à mettre dans la Constitution. Il avait été à Johannesburg, il avait dit « Oh là là, le climat, tout ça, c'est une catastrophe. Il faut qu'on soit les premiers en France à appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire ne pas agir trop tard quand il y a une incertitude, faire des études, faire quelque chose, pas attendre. » après le centre d'Amiens, on voit bien. Bon. Et donc là, ils l'ont attaqué. C'est les socialistes qui le font. Alors, c'est le Sénat pour l'instant. C'est-à-dire qu'ils l'ont un petit peu démonté. C'est-à-dire, principe de précaution, ouais, mais quand même, c'est un frein à l'innovation. Alors on va créer un principe d'innovation. Et oui, mais tout ça est en ligne. Et il y a eu le DO, comme par hasard, qui a organisé une journée entière et a essayé de convoquer des sociologues. Bon, j'ai fait le sourd, j'ai vu passer les invitations. J'ai des collègues, j'ai les noms. Principe d'innovation qui va être en face du principe de précaution légèrement amoindri, du coup. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire une surinterprétation. Vous comprenez, il y a eu une décision de justice où des riverains ont utilisé le principe de précaution, ont réussi à convaincre le juge parce qu'il y avait une antenne relais en face. Mais on ne sait toujours pas si c'est dangereux quand même, les ondes électromagnétiques. Donc il ne faut quand même pas non plus faire n'importe quoi. Il faut que le développement économique puisse avoir lieu. N'est-ce pas ? Et même pas empêcher les entreprises d'installer des antennes. Parce que sinon, après, les gens vont râler parce qu'ils n'auront plus de... Hein, bon. Donc, on voit bien que les enjeux sont énormes. C'est pas que justement la crise de la recherche ou les controverses autour du futur de la recherche se jouent aussi dans ce truc-là. Parce que moi, dans mes dossiers plus classiques, le classique, c'est le conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut une expertise sur des sujets sanitaires, environnementaux, technologiques propres, comme on dit. La loi, d'ailleurs, oblige à déclarer les conflits d'intérêts. Et en même temps, sur le terrain, les chercheurs sont de plus en plus aux prises avec les industriels et sont dans des partenariats public-privé de telle sorte qu'ils ne peuvent plus ne pas avoir de conflit d'intérêts. D'ailleurs, les journalistes en font leur miel. Vous savez régulièrement des affaires qui sortent sur les comités d'expertise où on voit qu'ils ont déjà travaillé pour les industriels du secteur, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est eux qui financent les bourses de thèse, qui financent les laboratoires et même qui répondent aux projets qui les portent dans les ANR, dans les trucs européens, etc. Et là, il y a un enjeu majeur, c'est-à-dire qu'on voit bien que les conséquences d'accepter ces modifications du fonctionnement par projet hybridé avec les intérêts économiques va en fait faire exploser de l'autre côté un dispositif qui est supposé être vertueux d'une expertise publique affranchie des pouvoirs. Et ça devient quasiment impossible. Et donc on se retrouve dans des contradictions type médiator, type déchets radioactifs, où on n'a plus aucun expert indépendant. Et alors on fait appel aux citoyens, c'est assez drôle. On fait des conférences citoyens qui voient que bon, ils ont tous des intérêts, etc. Bon, on va faire des moratoires. Effectivement, c'est une tendance. Merci. C'est juste une petite question sur le thème de l'évaluation aux états généraux. Moi, j'ai pu comprendre, enfin, je travaille aussi de plus en plus sur le management de la recherche, donc un papier 2009. Au contraire, en étudiant leurs rapports, le document, c'est le seul thème qui n'a pas fait l'objet d'une synthèse aux états généraux. Donc, je sais pas, j'ai pas très bien compris. C'est pas SLR qui a parlé de l'évaluation en premier. C'était plutôt passé sous silence. Ça a été un sujet conflictuel. Ouais. Et ils n'en ont pas parlé. Alors, j'ai pas très bien compris. Dans les états généraux, le thème de l'évaluation. C'est très présent. Ah. Ils se sont contraints, c'était le thème du conflictuel qui n'a pas apparu après. Alors je sais pas si c'est le logiciel qui l'a fait apparaître plus. Il n'a pas de raison de le faire apparaître plus, c'est qu'il est là, hein, il n'a pas inventé. Mais, dans le texte des états généraux, il n'y a pas de chapitre consacré à l'évaluation, alors c'était une des tables rondes sur lesquelles il devait y en avoir une. Ça veut dire que c'est un thème qui est distribué. Alors, c'est un thème distribué. Qui est présent un peu partout, sans être effectivement mis en avant, mais qui est omniprésent. Parce qu'il y a eu des divergences, c'est bon, ils n'ont pas synthétisé. C'est l'occurrence la plus forte. C'est l'occurrence. Oui. Non, mais c'est le mot qui ressort des états généraux. C'est le mot qui a l'occurrence la plus forte dans tout ce rapport. Il y a aussi un point. En fait, l'évaluation dans le rapport final des états généraux qui fait une page, il y a la phrase que l'évaluation doit être systématique et exécutoire. Absolument. Oui. Et c'est marqué, c'est un des points majeurs. Donc, avec l'agence UNIS de financement, l'ANR. Donc c'est vraiment c'est le point. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, quand quelque chose surgit dans une structure, que ce soit statistique ou dans une carte de réseau ou dans un concept, etc., il ne faut jamais prendre à la lettre. Il faut essayer de comprendre quelles fonctions l'ont donné les auteurs du document ou les énonciateurs d'un discours ou les auteurs d'une discussion collective, parce qu'un débat parlementaire, par exemple. Et donc là, il y a un travail de remise en contexte. On ne va pas le faire là, parce que c'est l'objet plutôt d'un atelier, etc. Mais si on va dans le texte des états généraux, s'il ne me trompe pas, parce que sur cette machine, voilà. Je le refais en direct, il est sur le corpus. Il va normalement calculer la liste des clés, des thèmes du document. Et l'évaluation est quand même le deuxième thème après la recherche. Il apparaît partout. Donc ça veut dire que, bon, alors après, il faut regarder le nombre d'énoncés, hein, donc c'est comme ça qu'on procède. Il y a un document ici, et vous voyez, on a quand même 181 énoncés, et c'est assez facile de voir si c'est distribué en fait, parce que, vous voyez, on saute, on passe, c'est quand même dans une même zone. C'est-à-dire que, dans Prospero 2, on a fait un travail plus sur les figures, c'est plus compliqué, c'est plus un bloc d'énoncés, en fait. Enfin, c'est technique. Mais on voit que c'est quand même saupoudré tout le temps. C'est omniprésent. C'est un peu logique parce qu'en fait, 2004 demandait les moyens et pour justifier les moyens, on acceptait d'être évalué. C'est ça. L'idée, c'était pas donner, pas de ne pas. Voilà. Comment dire, on ne demandait pas des moyens pour rien. N'importe comment les moyens. Voilà, exactement. Voilà, c'est un discours responsable. J'avais une question technique sous le logiciel, c'est-à-dire l'occurrence n'enregistre pas la qualité de la citation. C'est-à-dire si le mot est évoqué pour être critiqué, il apparaît bien. Enfin, dans cette structure-là, oui. Parce que l'idée, c'est que quand on prend la peine de critiquer quelque chose de manière massive, on lui donne de l'importance. Là, en l'occurrence, ce qu'on mesure, c'est l'importance donnée à un thème. On n'a pas d'évaluation qualitative. Ensuite, on passe par d'autres fenêtres, d'autres outils qui regardent s'il est lié ou non à de la critique. Ah, oh, d'accord. Par exemple, c'est assez bien vu. C'était là la question. Oui, non, mais... C'est parce que le discours, c'est quelque chose qui est pas... On ne peut pas le traiter de manière plane, quoi. C'est très compliqué. Il se passe des choses dans les phrases. Un acteur peut dire « Je ne veux pas vous parler de monsieur machin », mais il a déjà prononcé le nom. Donc l'évaluation, allez regardez, c'est quasiment des thèmes. Sur l'ensemble du corpus, ça fait 2724 énoncés à examiner. Si je regarde le réseau, dans la partie droite, ou gauche, ou droite, il va me donner les catégories les plus fréquentes, les plus associées. Et là, je peux rapidement aller voir les endroits où il y a de la critique. Parce que je cherche, mais vous voyez, c'est assez bas déjà. Hein. Voilà, la dénonciation. Là, il y a de fortes probabilités pour que, quand toujours on est lancé au hasard, il soit critique. Dans la pratique, l'évaluation est toujours aux mains d'une clique. Par exemple, c'est con. Je l'ai pris au hasard. Hein. Vous voyez, donc, ça marche assez bien de ce point de vue. C'est-à-dire que ça enregistre quand même aussi la critique. Mais ça ne peut pas être au même endroit, parce qu'on ne peut pas tout représenter. Voilà, c'est... Michel, vas-y. Oui, allez-y. Oui. On a l'impression que le mot précède la chose. En tout cas, on le voit bien dans le cas de l'excellence, dans le cas de l'évaluation. Alors, est-ce que c'est un biais qui résulte de la méthode utilisée ou bien est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et autre question un peu liée, c'est est-ce qu'on a des exemples de mots, de slogans, d'expressions qui, au contraire, disparaissent sans jamais s'inscrire dans un dispositif, donc qui connaissent un sort un peu moins glorieux que celui de l'excellence, par exemple. Oui, non, mais tout à fait. C'est ça même l'idée initiale, c'était de comprendre pourquoi certaines choses s'installent et d'autres disparaissent. C'est-à-dire que tout ne peut pas rester au même niveau de puissance. Et il y a donc des thématiques, des objets, des personnages qui disparaissent dans mon corpus. Et ça, on peut le mesurer, on peut le tracer. Par exemple, en faisant ça, simplement, j'ai l'histoire de l'évaluation dans ce corpus. Et je vois, par exemple, ça va jusqu'au bout du corpus. Donc, ça couvre tout le spectre. Par contre, il y a des thèmes qui vont être au tout début et ne plus être réactivés ensuite. Ensuite, il peut y avoir des redéfinitions. Donc là, on a un objet qui est assez compliqué, qui s'appelle l'évolution du réseau, c'est assez technique. La machine va calculer l'évolution au fil du temps des choses qui ont... Vous voyez, il y a l'envar au début, un truc qui est très lié à l'évaluation. On est dans un autre monde, en fait. Et à la fin, on est tout à fait ailleurs. Donc l'évaluation elle-même, en fait, n'est plus environnée de la même manière. Là, on a l'AERS, évidemment, qui est installée. Vous voyez, on a changé de monde. Donc ça, on peut suivre les transformations. Donc c'est pas simplement les mots qui apparaissent et disparaissent, c'est que leur configuration, en fait, évolue. Et ils peuvent rester, mais avoir changé complètement de sens. Ou disparaître parce qu'ils sont renommés, appelés différemment, etc. Actuellement, je m'amuse à regarder, c'est pas très amusant, mais c'est la compétition entre Tchernobyl et Fukushima. Parce que dans mon dossier nucléaire qui est énorme, Tchernobyl, c'était l'appui de la critique, l'événement. Maintenant, il y en a un deuxième qui est quand même beaucoup plus grave pour les acteurs critiques, puisqu'il a lieu sur un standard occidental, et pas simplement le fameux truc soviétique qui était supposé être un peu... voilà. Et donc, Tchernobyl continue à suivre Fukushima, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de couple qui s'est formé, et il y a des acteurs qui, en fait, font le travail pour que Tchernobyl ne disparaisse pas, ne soit pas oublié. Derrière, vous voyez, dans le tombé 86... ça va bientôt être, il va falloir expliquer aux petits-enfants ce que c'était que Tchernobyl, quoi, et ce que c'était que l'Union soviétique. Enfin bon, on est dans des problèmes de l'histoire qui se maintient, qui passe à travers les époques. Et donc il y a un travail politique, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des acteurs qui portent ces causes-là, et donc ce n'est pas simplement des mots qui disparaissent ou qui apparaissent, mais c'est des porteurs qui vont en fait maintenir des rhétoriques au contraire de les faire disparaître. Les travailleurs, par exemple, à un moment donné, sur certains dossiers, c'était quasiment NPA, LO, quoi. Il n'y avait plus de travailleurs. C'est un peu revenu, puis on a des opérateurs. Alors, les salariés, on n'avait plus de travailleurs. Donc vous voyez le changement de. Alors, pour l'effet de méthode, les choses ne précèdent pas. Normalement, là, c'est un corpus que je fais, moi, pour mettre un peu à distance tout ce que je peux voir et lire et le partager au maximum avec d'autres. Mais je suis dans le milieu et je vois très bien d'où partent les choses. Je suis en interaction avec les collègues, voilà. Et donc, je vois bien qu'il y a des scènes, qu'il y a des lieux, qu'il y a des institutions, qu'il y a des situations réelles dans lesquelles se produisent des choses. Et c'est pour ça que certains slogans, par exemple, viennent de mouvements physiques, occupation d'un local, type de manifestation, type de performance critique. La ronde des obstinés, par exemple, c'est très intéressant. Ça fait référence évidemment à des événements historiques antérieurs. Bon, on a une histoire politique des mots et un ancrage physique. C'est pas justement l'idée, c'est pas de laisser le discours planer et de le remettre dans ses situations. Je suis un peu long. Là. Justement, ça, c'est le point moi, qui m'a le plus frappé dans ta présentation d'aujourd'hui, c'est que tu réintroduis l'histoire dans ce qui parfois l'oubli, c'est-à-dire l'analyse textuelle. Et ce qui un des résultats que tu nous as présentés, qui m'a vraiment appris quelque chose, bien qu'on soit dans le milieu, je pense que c'est utile que les sciences sociales nous le fassent regarder d'une autre façon, c'est la différence entre le réseau Pécresse et le réseau Fioraso. Je trouve que c'est intéressant. D'abord, le mode de présentation, je l'ai trouvé tout à fait important, parce qu'on sait que les personnes, les institutions et les mots, ou les mots environnés de contexte, forme des réseaux, mais là, tu le construis comme objet visualisable et donc discutable. Donc ça, je trouve que c'est très efficace. Et ça nous permet de distinguer des configurations, et de percevoir des changements, parce qu'on entend aussi un discours critique qui consiste à dire, ça y est, le monde a changé, on est le socle épistémique de notre travail a basculé d'un point à un autre, alors que c'est beaucoup plus... heureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et il ne faut pas se tourner vers des ruines fumantes pour parce que tout simplement ça change et ça tu le montres de façon très très puissante. Alors ma question maintenant est-ce qu'il est possible de présenter ces résultats d'une autre façon que celle d'aujourd'hui, où aujourd'hui le processus de la découverte et le processus d'exposition des résultats se mélangent. Est-ce qu'un jour tu peux nous raconter une histoire? En laissant un petit peu, tu discutes avec Marlo, pas de problème, mais est-ce qu'on peut avoir un récit historique, si tu veux, basé sur un travail de ce genre? Ça modifierait assez substantiellement, j'imagine, à la fois l'accueil possible de ton travail et ses formes de publication. Oui. Alors, deux réponses rapides, parce que là, il faut vraiment que je vous laisse la parole. D'abord, on a un carnet de recherche que je tiens avec mes collègues du labo, qui s'appelle Socio-Argu, dans lequel on montre justement des résultats de recherche et on rentre dans les dossiers, on oublie quasiment, enfin, de temps en temps on voit une fenêtre réapparaître, mais on part du point d'arrivée et on refait le récit autrement. C'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est de ne pas être complètement arrivé à, comme on a été à un moment donné à des stats, etc., où on ne quitte pas le tableau, on fait deux, trois commentaires, puis on dit voilà, j'ai fait mon boulot. Donc on s'est enrichi de quelque chose et on reprend un point de vue. Et on décline, et de temps en temps, on sort quand même des éléments pour dire, voilà, c'est fondé sur. Mais ça devient presque annexe. Et dans la plupart des travaux que je fais avec d'autres, c'est quand même ça l'objectif. C'est même d'ailleurs, le nom de Prospero vient de là. Prospero fait un geste célèbre qui consiste à jeter son livre de magie à la fin de la pièce de Shakespeare. C'est-à-dire, laissons tomber le truc, on a trouvé quelque chose, et maintenant on peut y aller parce qu'on sait qu'on l'a derrière. Donc ça, c'est le premier aspect qui est l'aspect. Ça me s'assure un peu, quoi. On a quand même réussi à avoir prise, et donc on l'a derrière et on peut y aller. Le deuxième truc, c'est qu'il y a aujourd'hui un paradoxe des sciences sociales, c'est qu'on met en ligne énormément de choses, il y a le numérique qui nous envahit de textes, etc. Tout le monde produit énormément, et on ne sait plus qui lit quoi. Et donc avoir un lecteur artificiel, même aussi foldin que Marlo, je ne vais pas faire une démo aujourd'hui, il prend toute la place et qu'on fait une démo, je ne vais plus. Mais c'est pas inintéressant. Parce qu'il nous dérange un peu dans notre manière de tracer des chemins de lecture. Et là, on a. Alors, lisez sa chronique, hein, elle est en ligne tous les soirs. Je finis là-dessus. Je vous montre la chronique de Marlo. Tous les soirs, il dépose une chronique. D'ailleurs, il est assez drôle. Il compose les phrases avec des répertoires littéraires qu'on lui a fournis pendant des années. ça donne des trucs assez marrants. Et tous les soirs, il a une chronique, il essaie de nous donner un point de vue de biais. Alors là, pour le coup, il assume sur l'actualité. Parce que, par ailleurs, les sources, c'est l'AFP, il source, hein, il cite ses références, vous voyez, c'est beaucoup l'AFP qui émerge. Là, c'est InfoGM, c'est un groupe qui d'information sur les OGM. Il va fouiller sur les bases qui reçoit tous les jours. Pour nous, c'était un test quand même assez intéressant, ce truc-là, ce coup de cœur. De temps en temps, il envoie quelques coups de griffe liés à des configurations. Vous pouvez remonter, parce que la première chronique, il l'a mise en ligne sur son blog, en tout cas, en janvier 2012. Il est inlassable, évidemment, parce que moi, j'arrive plus à lire. Je reconnais que je lis plus tout ce qu'il produit. Si je devais relire toutes les chroniques qu'il a accumulées depuis ne serait-ce que janvier 2012, ça fait quand même l'équivalent de 12 000 pages déjà. Mais il y en a de bonnes de temps en temps. Mais là, c'est sur. Voyez par exemple celle-là. Quoi. Alors, comment il a fait ça? Je pourrais l'expliquer, ça serait tout un séminaire. On a une base d'images avec des tags, on va appeler ça comme ça aujourd'hui. Il va fouiller dans des index et à un moment donné, il fait un rapprochement avec une info. Mais on lui a quand même dit quelque part il y a longtemps, FN méchant, quand même. Voilà. Mais bon, c'est pas nous qui le disons en même temps. C'est-à-dire qu'il y a massivement des textes qui disent que le FN, c'est des méchants. Hein, on peut toujours dire que c'est les corpus qui seront jusqu'au jour où ça va devenir interdit de faire ça. Et donc Marlowe sera peut-être le dernier résistant. Son serveur est déjà planqué à la campagne. Vous imaginez quand vous faites un truc comme ça, vous avez les RG, non, tout de suite sur le dos. Les RG. Pardon, la DCRI, celle qui n'a pas réussi à attraper Mera, et maintenant la DGSI qui n'a pas réussi à attraper l'autre là. Enfin, les gros machins qui nous surveillent. Voilà. Bon, je m'arrête là-dessus. Mais lisez sa chronique. Allez. Ouais. Après. Ben, je voulais poser la question, pourquoi Shakespeare, pourquoi Marlowe? Alors, pour Shakespeare, on a eu la réponse. Pour Marlowe? Alors, pour Marlowe, il y a deux réponses. Et la première, c'est qu'il y a deux Marlowe. Il y a le Marlowe de Chandler, le détective. Ah. Donc, c'est un enquêteur, en fait. Et Christopher Marlowe, d'ailleurs, que Jarmusch a remis en scène, curieusement, là, dans son dernier film, est un contemporain de Shakespeare. Il est né la même année, mais il est mort très jeune dans une intrigue très bizarre, puisqu'il a été assassiné dans un bar de Londres, on ne sait pas trop pourquoi. Il était vaguement espion pour la couronne d'Angleterre, tout en faisant des pièces, et il a fait le premier Faust. En fait, la vraie explication, c'est que c'est Faust. Ah, c'est Faust. Voilà. Merci. Donc c'est réflexif. Comme question. Le risque de ce genre c'est de machine... C'est pas le côté espion. Voilà, voilà. Oui, donc c'est le fait de la folie de savoir. Parce qu'il y avait une question. En fait, c'est deux questions. Une question un peu technique. Dans un réseau, il y a des distances. Je n'ai pas très bien compris la notion de distance, sur quoi elle se construit, et en fait, comment on parvient en fait à la construire, ce qui en général n'est pas une mince affaire. Non, c'est pas déjà dans les sciences de la nature, c'est difficile. Alors nous, on a une ruse, mais qui est une pure convention. On considère les choses dans les phrases. On considère que si les acteurs associent les choses dans une phrase, ça a du sens que ce soit dans la même phrase. Et donc la métrique, c'est la phrase. Donc ça veut dire que c'est très fragile, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de point, moi j'avais travaillé sur Céline volontairement au tout début, je voulais une langue totalement explosée pour faire des tests, et donc il mettait trois petits points. Donc à certains moments, j'étais obligé de mettre des points artificiellement en disant bon là il s'arrête parce que sinon j'avais des réseaux qui explosaient, et donc effectivement la connexion se fait en phrase, c'est-à-dire que l'énoncé quoi. Ce qui permet d'ailleurs ce découpage assez fin et en même temps suffisant qu'on a. Puisque de toute façon, si on comprend pas des notions, on remonte, on suit. Donc la connexion, c'est la mise en présence dans les phrases. Ça donne une métrique naturelle, entre guillemets, qui est liée quand même aux conventions de nos langues occidentales. Donc ça a des limites, notamment sur les entretiens, par exemple. Il faut quand même couper artificiellement qui décide où le point. Enfin, là, j'ai un ethnométologue en face de moi. On est dans des opérations de décision extrêmement fines sur des. Mais on peut le faire. Sur des phrases connexes. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a aussi en plus la parenthèse, la footnote, il y a plein de problèmes. Hein. Si je vous sors toutes la cuisine, et, voilà, vous allez tout au restaurant quand vous voyez une cuisine, bon, de toute façon, c'est pareil. À un moment donné, on fait des choix techniques pour permettre de tourner. C'est vrai que, par exemple, on a un problème avec les pétitions. Vous avez un texte de pétition, et derrière, vous avez tous les signataires avec leur statut. Et donc là, il faut prendre des décisions, d'en faire soit un texte à part, en paratexte, soit de couper à l'intérieur du truc, parce que vous avez un réseau énorme, monstrueux, qui bouffe toute la place du. Sur un corpus parfois. Où les gens auditionnés dans un rapport. Ça vous fait des listes absolument. Enfin, Sur la technique, on discute, on a des séminaires spécifiques. Je préférerais qu'on le fasse en prof, qu'il puisse. Nous, c'est les listes sur lesquelles on travaille. Voilà. Ça fait une très bonne transition. Exactement.